Class culture, repatriation is a must. Yo, yo, me and people make your history system, man. Parce que t'as une belle, non, man. Parce que ça fait, il faut happy, il faut être ready. Parce que ça fait, ça fait, c'est pas la fête, non, man. We are gonna tell them, yo. Ma promesse de justice, on ready again. Ma promesse de justice, on ready again. Yo, yo. En promesse de justice, on ready again. Yo, yo, yo. En promesse de justice, on ready again. Yo, yo. Ils ont trop de vices, ça t'emmène en déclic. Yo, yo. Je ne veux pas de problème, man, avec les flics, non. Yo, yo. Beaucoup trop d'espionnage à tous les étages. Tu passes en bas de chez moi, tu prends l'odeur de mon stick. Beaucoup trop d'espionnage à tous les étages. Tu passes en bas de chez moi, tu prends l'odeur de mon stick. Et tout en promesse de justice, ready again. En promesse de justice, ready again. Yo, yo. En promesse de justice, ready again. En promesse de justice, ready again, yeah, yeah, yeah. Oh, tu n'as pas parlé de politique, t'entends parler de trafic. Like en fait, la planète est devenue magique. Et ce goût de l'homme n'est que vanité. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Honnête, tu resteras, la tête où tu arriveras. Promesse de justice, te guide, yo, yo. Mi en belle petite promesse, c'est en promesse de justice, yo, yo. Mi en belle petite promesse, c'est en belle petite promesse, yo, yeah, yeah. Mi en belle petite promesse, c'est en promesse de justice, yeah, yeah. Oh, et puis Jaja, il te guidera, oh, car il aime ses enfants ici-bas. Oh, oh, oh, ouvre tes yeux, la vérité, elle est là, en toi. Et tout autour de toi, mon frère, mets ta terme ton combat. Les mille ans du malin est arrivé. Quand mes femmes veulent prendre le pouvoir, ils laissent savoir que nous sommes tous dans le noir. Yeah, yeah. Ils ont peur du serpent, ils ont peur du lion. Ils ont peur du welcome, mais n'ont pas peur du malin. Ils ont peur du serpent, ils ont peur du lion. Ils ont peur du welcome, mais n'ont pas peur du malin. Ah ouais, c'est le plus grand prédateur. Bien sûr, yo yo, en promesse, yo yo, en promesse de justice, yo yo, en promesse, yo yo, en promesse de justice, yo yo. Promesse de justice.